ne sais sûrement pas, Manon. À quel point je hais ce que tu es. Sinon, Manon, je t'aurais déjà perdu. Je le sais.